Elvis Presley a toujours été un homme très entouré. 8 à 10 personnes avec lui pratiquement en permanence, ce que la presse a appelé la mafia de Memphis, et puis deux managers, l'incontournable Colonel Parker et l'homme de confiance, Joe Esposito, qui nous explique comment les rôles se répartissaient entre eux. Colonel Parker était son business manager. Le colonel Parker était son manager pour les affaires. Il s'occupait de tous les contrats. Moi, je m'occupais d'Elvis lui-même, de son programme. Je réglais les factures, je faisais en sorte qu'il ait tout ce dont il avait besoin. Want your kiss, cause I just can't miss with a good luck charm like you. Come on and be my little good luck charm, you sweet delight. Ce fameux colonel Parker n'était pas colonel et ne s'appelait pas Tom Parker. Son vrai nom était Andreas Cornelius Van Quick. Il venait des Pays-Bas et il était entré illégalement aux États-Unis. Même si les fans d'Elvis ne l'ont jamais vraiment aimé, ils reconnaissent à Tom Parker un certain talent de businessman, à l'image de Jacques Delessert, l'un des inconditionnels de Presley. Son manager, Tom Parker, j'ai toujours été un génie. Oui, mais le plus grand des voyous aussi. Ce que Parker a réussi à faire, au tout début, Elvis était connu dans les alentours de Memphis, donc son grand découvreur, c'est comme Sam Phillips. Mais c'était, ça passait dans les radios locales, ça sortait pas presque du Tennessee ou quelques états du Sud. Arrivé Parker, donc il a réussi premièrement à faire passer Elvis à la télévision, donc là il est venu sur tout le territoire américain, puis après c'est devenu mondial, donc il a réussi à faire ce contrat, à racheter tous les enregistrements d'Elvis chez Sun Studio pour tout donner à RCA, mais il a fait une affaire d'or parce qu'ils ont fait des millions avec ça. While I quit my job down at the car wash, I left my mama a goodbye note. By sundown, I left Kingston with my guitar under my coat. I hitchhiked all the way down to Memphis, got a room at the YMCA. For the next 3 weeks, I went a-hunting them nightclubs looking for a place to play. Well, I thought my picking would set them on fire, but nobody wanted to hire a guitar man. Un autre grand fan, Vince Dymond, pense finalement qu'Elvis lui-même ne se plaignait pas trop de son agent. Sans lui, il n'aurait tout simplement jamais existé, je pense. Et l'un sans l'autre n'aurait jamais existé. Donc c'est vraiment un pacte un petit peu diabolique entre ces deux hommes. Mais alors, on peut critiquer certains choix du colonel quant à la carrière d'Elvis, ça c'est clair. Mais bon, Elvis avait les moyens aussi de dire non et puis de faire ses propres choix. Donc je crois que quelque part, ça l'arrangeait aussi d'être, de ne pas avoir trop à décider sur certaines choses. Donc... Il faut savoir que c'est un partenariat qui repose sur aucun contrat, mais une simple poignée de main. Donc Elvis était un homme de parole, mais je crois que s'il a respecté cet engagement pendant toutes ces années, c'est que finalement ça lui convenait pas si mal. Quant à Eddie Mitchell, il n'est pas tendre avec le colonel Parker. Moi je pense qu'il l'a totalement détruit au niveau artistique, surtout du côté cinéma, parce que bon, il a fait gagner de l'argent, c'est tout, par ça... De cette période à Hollywood, on retiendra quand même quelques chansons intéressantes, comme celle du film King Creole. King Creole. There's a man in New Orleans, he's a rock and roll, he's a guitar man with a great big soul. He lays down a beat like a ton of cola. He goes by the name of King Creole, even though he's gone, gone, gone, jumping like catfish on a pole. He sings a song about a crawdad hole. He sings a song about a jelly roll. He sings a song about a pork and greens. He sings some blues about a New Orleans. You know he's gone, gone, gone, jumping like a catfish on a pole. Yeah, you know he's gone, gone, gone, and a pack of chicken King Creole. Thank you.